Chapitre 67. La réprobation de souhaiter la mort à cause d'un malheur et la permission de le faire pour celui qui craint d'être éprouvé dans sa religion. 585. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort. S'il accomplit de bonnes actions, peut-être peut-il en augmenter le nombre. Et s'il commet le mal, il peut peut-être obtenir par son repentir l'agrément d'Allah. » Al-Bukhari, donc c'est la version, est muslim. Dans une autre version de muslim, Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort, ni ne l'implore avant qu'elle ne lui vienne, car ses actions s'interrompent avec sa mort. Or, la vie du croyant ne se prolonge que pour son bien. 586. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort à cause d'un mal qui le touche. S'il doit vraiment le faire, qu'il dise « Ô Allah, laisse-moi en vie tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Al-Bukhari et Muslim. 587. Qais ibn Abi Hazim rapporte « Nous nous sommes rendus au chevet de Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, qui venait d'être cautérisé au fer chaud à 7 reprises. Il dit « Nos compagnons qui sont morts nous ont devancés, sans goûter au plaisir de ce monde, alors que nous, nous avons amassé des richesses telles que nous ne savons où les mettre, si ce n'est sous terre. Et si le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne nous avait pas interdit d'implorer la mort, je l'aurais fait. » Qais poursuivit « Nous lui avons rendu visite une autre fois alors qu'il construisait un mur. Il dit « Le musulman est récompensé pour chacune de ses dépenses, à l'exception de ce qu'il dépense dans la construction. » Al-Bukhari, dont c'est la version, est musulman.